Fidèles auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Inhumation ce samedi 26 avril du pape François. Il est décédé lundi 21 avril à 89 ans. Arrivé ce samedi à Bujumbura de Maxime Prévost, vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères. D'anciens enseignants de la province Bubanza, mis en retraite, demandent au gouvernement qu'il y ait mise à jour de la carrière. Elle comporte des lacunes. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Ndouayo. Bienvenue encore une fois. C'est ce samedi 26 avril que le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères est arrivé à l'aéroport international Melchior Ndadaye dans le cadre de sa mission officielle dans la région des Grands Lacs. Il a été reçu par le secrétaire permanent au ministère burundais des Affaires étrangères. Il a en outre été reçu par l'ambassadeur de la Belgique au Burundi, Michael Wimmer, et l'ambassadeur du Burundi à Bruxelles, Terence Nahiraja. Maxime Prévost a par la suite été reçu en audience par l'ambassadeur Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères. Selon un communiqué de l'ambassade de la Belgique sur son site web, Maxime Prévost vient en Afrique centrale du 25 au 29 de ce mois pour poursuivre les efforts diplomatiques afin de contribuer à une solution durable au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il vient au Burundi après l'Ouganda. Il se rendra ensuite en République démocratique du Congo. Obsèques ce samedi 26 avril de sa sainteté le pape François dans la basilique papale de Sainte-Marie-Majeure dans le centre de Rome comme il avait voulu de son vivant. De son vrai nom, Georges Mario Bergoglio, il est né le 17 décembre 1936, il était le 266e pape. Et il est décédé lundi 21 avril. Il a pris ses fonctions de pape le 13 mars 2013 pour succéder au pape émérite Benoît XVI, du vrai nom Joseph Ratzinger. Environ 250 000 personnes ont répondu présentes aux cérémonies réunies à la place Saint-Pierre au Vatican et ont notamment participé à ces funérailles du pape François, les présidents américains, russes et ukrainiens, français, centrafricains et capverdien, ainsi que le vice-président burundais Prosper Bazombanza. Après une courte pause, nous poursuivons notre édition. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les habitants de la zone urbaine de Buza déplorent le manque d'éclairage public. Cela fait des mois, voire des années, disent-ils. Il demande aux autorités municipales de résoudre ce problème pour que la zone Buiza, comme d'autres zones, soit éclairée, ainsi diminuer les vols nocturnes. Le point avec Alexis Ndaiseng. Là où nous sommes passés, sur la route numéro 1 et 2 de la zone Buiza de la capitale économique Bujumbura, il s'observe des poteaux électriques métalliques possédant des lampes à éclairage public qui ne fonctionnent pas. En regardant vers le haut, sur ces poteaux, certaines des lampes ont été détruites. En outre, des araignées s'y sont installées. Des habitants rencontrés sur ces lieux, même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer, ils disent qu'ils ne périssent des variantes entre 15 et 20 ans s'écoulent sans que ces lampes fonctionnent et ils ont été ordonnés d'installer des lampes d'éclairage sur les clôtures. De l'autre côté, ceux qui se sont exprimés disent que ce problème ne facilite pas la circulation pendant la nuit mais aussi cause des accidents. Selon ces habitants, l'absence d'éclairage public favorise aussi les voleurs. Ça fait longtemps les lampes d'éclairage public ne fonctionne pas et ce problème peut causer beaucoup d'accidents dans l'obscurité. C'est très honteux vraiment la capitale économique qui n'a pas d'éclairage public. Beaucoup des années passent sans que les lampes fonctionnent, car moi-même j'habite ici plus de 10 ans. Comme vous le voyez, ils nous ont obligés d'installer des lampes d'éclairage sur les clôtures. C'était à cause de la non-fonctionnalité des lampes d'éclairage publiques. Donc, ils n'ont pas nous expliqué les causes de la non-fonctionnalité. Ils nous ont obligés pour éviter les voleurs seulement. Pour nous, ça serait mieux lorsqu'ils réparent ces lampes d'éclairage publiques. Il arrive un moment où les voleurs profitent de l'obscurité pour se cacher derrière les murs pour causer des dégâts dans les quartiers. En plus, s'il y a de l'obscurité, les gens peuvent tomber dans les caniveaux. Il faut que les autorités habilitées fassent le tout possible pour le fonctionnement des lampes à éclairage public dans les quartiers, car c'est une bonne chose pour les habitants, les passagers et le développement du pays. Il demande aux autorités habilitées de prendre la question au sérieux pour marquer l'image de la capitale économique et aussi éviter ces problèmes. Le code de la personne et de la famille et les ménages va être révisé. Parmi les nouveautés figure l'utilisation de nouvelles technologies pour l'enregistrement des naissances et des décès, ainsi que la majoration de l'âge requis pour le mariage. Ainsi, on a décidé le Conseil des ministres réuni mercredi de cette semaine, qui a en outre approuvé le projet de loi portant modification de ce code. Suivez plutôt Jérôme Nyonzima, secrétaire général du gouvernement burundais. Le code des personnes et de la famille, en vigueur aujourd'hui au Burundi, a été mis en place par le décret-loi numéro 1/024 du 28 avril 1993. Il y consacrait l'enregistrement des naissances, des mariages et des décès. Actuellement, on s'est rendu compte que dans cet enregistrement, on fait face à des doublons et à des problèmes liés aux actes de l'état civil reproduits en cas de perte et de fraude. En plus, le besoin de rendre disponibles les données de l'état civil appelle la modernisation du système d'enregistrement des actes y afférents. Le présent projet de loi apporte bon nombre d'innovations pour une modernisation de ce code. Premièrement, il prévoit l'informatisation des actes de l'état civil, ainsi que la tenue d'un fichier électronique. Subséquent, et permettant d'éviter la duplication et les fraudes des actes de l'état civil. Deuxièmement, il prévoit la déconcentration de l'enregistrement des actes de l'état civil. Troisièmement, il y revoit à la hausse l'âge requis pour contracter le mariage. Quatrièmement, il laisse aux futurs époux libre choix du régime matrimonial avant la célébration du mariage. Cinquièmement, il instaure des services de l'état civil dans les ambassades et consulats de la République du Burundi à l'étranger. Après échange et débat, le Conseil des ministres a constaté que la famille constitue le fondement de la société burundaise et qu'une telle loi a beaucoup d'implications sur la société. Un débat très élargi avec toutes les parties prenantes est donc nécessaire en vue de mettre en place une loi consensuelle tout en essayant de concilier la tradition et la modernité. Le projet de loi sera donc ramené après cette concertation. La loi sur les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités étant intimement liées à ce code des personnes et de la famille, les deux textes de loi seront donc analysés en même temps. Une politique sectorielle du ministère de la Justice a également été adoptée par ce Conseil des ministres et elle concerne le livre d'orientation stratégique qui définit les lignes directrices dans le secteur de la justice. Ce document prévoit qu'en 2027, la justice sera indépendante et répondra aux besoins des citoyens. Suivez-le encore une fois. Cette politique sectorielle est un document d'orientation stratégique et de référence sur une période de 5 ans. Elle rend compte des objectifs globaux de développement et du secteur de la justice. Cette politique sectorielle et sa stratégie de mise en œuvre ont été élaborées pour répondre aux difficultés et défis relevés lors d'une étude diagnostique qui a été effectuée dans le secteur de la justice. Elles sont en cohérence avec les piliers de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Cette stratégie sectorielle priorise les programmes et les actions qui vont s'atteler à répondre aux défis récurrents du secteur de la justice et définit également les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. La stratégie propose des activités allant dans le sens d'améliorer les capacités institutionnelles du ministère, celles qui vont dans le sens de renforcer la lutte contre la corruption, le règlement des conflits sociaux et la gestion transparente et rigoureuse des dépenses publiques. Elle contient également des éléments qui permettent de mesurer les résultats atteints. Pour venir à bout de cette politique, le ministère de la Justice a pu définir une vision à l'horizon 2027, qui est la suivante, une justice indépendante, équitable, accessible à tous, efficiente, adaptée aux besoins de la population et au service du développement durable. Après échange et débat, le Conseil des ministres a constaté que le document proposé ressemble beaucoup plus à un plan d'action de mise en œuvre de l'existant. Il a donc été recommandé de retravailler le document afin d'identifier les besoins des citoyens en montrant les principes à suivre pour répondre à ces besoins et en indiquant la stratégie et les actions concrètes pour mettre en œuvre ces principes. Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement burundais. Parlons agriculture à présent. Grogne chez certains agriculteurs de la province Bururi qui n'ont pas encore reçu les fertilisants de type urée qu'ils ont commandé et payé pour la saison culturelle B de cette année. Ils demandent que ces fertilisants soient disponibles pour les appliquer surtout dans leurs champs de pommes de terre et de blé. Au niveau du bureau provincial de l'environnement agriculture et élevage à Bururi, l'on indique que seuls 48% de l'urée commandée sont déjà arrivés dans cette province. Le point avec Zeno Nzambimana. Ces grognes de certains agriculteurs qui n'ont pas encore reçu les fertilisants de type urée se font entendre dans toutes les communes de la province de Bururi. Ils déplorent qu'ils se présentent au site de distribution, mais rentrent sans être servis suite à la non-disponibilité de ces fertilisants dans les stocks, alors qu'ils les avaient commandés et payés pour la saison culturelle B de cette année. Ils disent qu'ils n'espéraient plus un bon rendement pour certaines cultures exigeantes en azote suite au retard de ce type d'engrais. Ces agriculteurs demandent avec insistance la disponibilité de ces fertilisants pour les appliquer surtout dans les champs de pommes de terre, de blé et d'autres semés vers la fin du semis de cette saison culturelle B. Certains des agronomes communaux confirment la livraison à compte-gouttes de ces fertilisants et demandent aux chargés de la livraison de les disponibiliser aux différents sites de distribution pour que les agriculteurs n'enregistrent pas de pertes énormes. Glorieuse Niyuwahwe, directrice du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi, dit que sur 385 tonnes d'urée que les agriculteurs avaient besoin pour cette saison culturelle B, seuls 48% sont déjà arrivés à Bururi. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Restons dans cette rubrique, parlons cette fois-ci élevage en province Ngozi. C'est au nord du Burundi pour parler des grognes des éleveurs qui font entrer le lait au chef-lieu de la commune Ngozi pour avoir été obligés de vendre leur production laitière à la coopérative Terimbere Morozi. Selon ces éleveurs-là, un litre est vendu à 1400 francs burundais alors qu'ailleurs il s'achète à 1800. Ils déplorent aussi une somme de 111 francs burundais perçue à chaque litre de lait qui passe à cette coopérative payée après le test de la qualité du lait, des exigences qui, selon eux, causent des pertes. Certains du personnel de cette coopérative ne nient pas cette somme payée pour protéger les consommateurs contre d'éventuelles maladies, mais aussi pour renflouer les caisses communales par des taxes. Le point avec Apollinaire Muzagara. Ces éleveurs et commerçants de lait disent qu'ils sont arrêtés à l'entrée de la ville par des jeunes ou des fois des policiers qui les obligent à vendre leur production laitière à la coopérative Terimbere Morozi. Là, un litre de lait se vend à 1400 francs, alors qu'ailleurs, dans différents ménages, le même litre s'achète à 1700 francs bout. 1800, voire plus, déplorent ces éleveurs. Ils grognent aussi à cause d'une somme de 111 francs bout perçus sur chaque litre de lait qui passe à cette coopérative, des frais payés pour avoir fait tester le lait s'il est de bonne qualité. Ces éleveurs et vendeurs parlent d'une somme élevée qui les pousse à travailler à perte. Certains du personnel de cette coopérative n'en nient pas cette somme, expliquent qu'elle est perçue pour ce test de lait et aussi pour que la commune puisse aussi en bénéficier en payant une taxe à chaque litre de lait vendu. Parmi ces éleveurs figurent ceux qui apportent du lait de leur propre vache pour en consommer à la maison, d'où ils demandent qu'ils soient différenciés de ceux qui font le commerce de lait, qui donc en font la collecte dans plusieurs ménages. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Dongozi, on donne en province Boubanza pour parler des anciens enseignants mis en retraite en 2023 dans ces provinces qui se lamentent que la mise à jour de la carrière comporte beaucoup de lacunes, entre autres la perte du droit acquis selon l'accord entre l'État et les syndicats qui consacre 6 années d'ancienneté pour chaque enseignant qui commence le service, le manque d'indemnité de fin de carrière et autres. Machandari. L'un des retraités, Athanase Machandari, l'un des retraités de cette province demande à l'État de les rétablir dans leurs droits. Une information que nous devons à notre correspondant dans province Boubanza, Spes Caritas Kabanyana. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Tout de suite après cette édition, vous suivez la revue de presse. Vue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute. Chaque jour compte, lance l'éditorialiste du journal Burundi Echo. Un clin d'œil à l'endroit des élèves et éducateurs pour les prévenir contre les perturbations possibles au cours de ce troisième trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Qui débute ce lundi 28 avril 2025 pour les niveaux maternels, fondamental et post-fondamental. En effet, fait remarquer ce confrère, le troisième trimestre, bien que court, est crucial. Il sera marqué par les évaluations finales, les examens, mais aussi par des décisions importantes comme les orientations scolaires. Burundi Echo fait également remarquer qu'une échéance nationale importante marque cette période, les élections des députés et des conseillers communaux. Cette période peut être à risque et générer des comportements irréfléchis, notamment chez les apprenants en âge de voter. En effet, souligne-t-il, absence, distraction, manque de concentration risquent d'affecter sérieusement le parcours des apprenants. Certains risquent de laisser de côté leurs cours pour participer à des meetings politiques. Pour s'en sortir, organisez-vous dès aujourd'hui. Planifier les révisions, les devoirs, les travaux pratiques et les examens, conseille son confrère à ses apprenants. Quant aux éducateurs, note l'éditorialiste du journal Burundi Echo, eux aussi potentiellement affectés par le contexte politique, ils restent les premiers garants de l'équilibre entre le droit à la participation citoyenne et l'engagement éducatif. Les élèves ne sont pas censés maîtriser tous les enjeux électoraux, il faut les accompagner, clarifier les zones d'ombre et leur rappeler inlassablement que chaque jour compte. Et le temps perdu ne se rattrape jamais, conclut l'éditorialiste de cet hebdomadaire socio-économique. Une adolescente met fin à sa vie dans la zone de Guihosha, rapporte Net Press. En effet, précise son confrère, une jeune fille de 17 ans qui servait comme bonne d'enfant dans un ménage du quartier Nyabagere de la zone Guihosha, dans la commune urbaine de Nahangwa, mairie Bujumbura, la capitale économique, s'est suicidée dans la nuit du jeudi à vendredi vers minuit. Selon des informations concordantes, poursuit ce journal, la jeune fille a été retrouvée sans vie, pendue dans la douche, à l'aide de son pagne. D'après toujours Net Press, les membres de cette famille disent qu'ils n'ont aucune connaissance d'un éventuel problème qu'avait cette fille. Le voisinage indique de son côté que la jeune fille était en amour avec un autre jeune homme, un motard, et les deux personnes auraient été en conflit au moment où la jeune fille avait avancé de l'argent au motard, écrit ce quotidien en ligne. Revue de la presse. La production de dessins animés, un art noble souvent ignoré au Burundi, regrette Gervais Nzitunga, artiste numérique, dessinateur et peintre œuvrant au sud de la mairie de Bujumbura, lors d'une interview accordée à l'agence burundaise de presse. Il montre que le domaine de production des dessins animés avance à pas de tortue au Burundi, alors qu'il pourrait contribuer à la sauvegarde de la culture burundaise. L'artiste Nzitunga signale dans les colonnes de l'ABP que la culture burundaise n'est pas suffisamment connue et exploitée, ajoutant que la production des dessins animés illustrant les contes, légendes et mythes illustrant la culture burundaise, comme ceux d'Inarunyonga, Samandali, etc., serait bénéfique pour la conserver et la transmettre, au lieu de se contenter de s'intéresser à d'autres cultures étrangères et risquer de perdre la culture burundaise. Selon cet artiste, ce qu'une personne visionne le plus finit par l'influencer, martèle-t-il dans les colonnes de ce quotidien. Mariage interethnique, quid des enfants issus de ces unions, s'interroge un blogueur du collectif de blogueurs Yaga. Les mariages interethniques sont devenus fréquents ces dernières années au Burundi grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires pour promouvoir l'unité nationale. Toutefois, il reste encore mal perçu dans certains cercles. Mais aujourd'hui, les esprits se sont calmés grâce aux sensibilisations menées pour dissiper les tensions. Ce blogueur estime qu'il faudrait raconter l'histoire, mais pas la travestir. En effet, les enfants ont besoin de connaître leur histoire, mais il ne faut pas les imbiber d'idées haineuses qui ne feront que perpétuer cet interdit flottant autour du mariage mixte et qui se répercute aussi sur les enfants issus de ces unions. Et ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Douimana. Ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent. Revue de la presse.